Examen 1. Compréhension de l'oral. Exercice 3. Situation 0. Je te présente Paul, un ami. Paul, Christelle, ma cousine. Enchanté. Enchanté.